plus d'air. Rythmique basée sur fond de guerre. Aujourd'hui se réveille le brasier de nos cités meurtrières. Ça fait plus de 40 ans que ça dure. Le père l'avait compris, briser des voitures quand l'État t'étouffe de son emprise. Aux prises avec l'inégalité dès leur naissance. Les ombres accusent le goût, délinquance rime avec renaissance. En conséquence, ils envoient des CRS de manière radicale. Claire Chazal te dit de protéger ta caisse. N'écoutez pas les médias, les faits sont irrémédiables. Quand resserre les draps et que nos plaintes sont irrecevables. Portez le flambeau, j'en dose quand le chant des corbeaux s'impose. Fanés sont les roses sur le chemin des tombeaux. Torse bombée, on marchera dans la nuit quoi qu'il advienne. Des chacals, des lions, des panthères et la nouvelle génération de hyènes. Portez vos couleurs et couillez d'une France sans douleur dans nos rues. Moi je n'ai rien vu, rien entendu. Le bas des sons, le vent des tons. Des milliers d'armées dansent au milieu des décombres. Le bas est couvert, le ciel est couvert. S'enfuit la mort qui s'approche en douceur. Le bas des sons, le vent des tons. Des milliers d'armées dansent au milieu des décombres. Le bas est couvert, le ciel est couvert. S'enfuit la mort qui s'approche en douceur. Adolescence en otage, on reste plotis dans nos cages. Pour survivre, petit frère, devient chasseur avant l'âge. On peint nos vies et nos identités sur tous les murs. L'écho décrit le goût du sang que le vent nous murmure. On traque nos proies jusqu'à ce qu'elles agonisent enfin. La lumière du feu comme des fous torturés par la faim. Des yeux éclatés, des visages ensanglantés sous la clarté de la lune. Le bitume a grandi son armée. Depuis toutes ces années, des têtes enflammées, des familles affamées sur les flammes. Dans les corps de nos morts décharnés, écharmés par la rage, déformé par les cicatrices. On attend l'orage avec des visages tristes. Pourfendeurs des noirceurs de l'agonie. La colombe est partie en portant les espoirs de toute une vie. Alors l'État se défile, mais les ombres brûlent les villes dans nos rues. Moi je n'ai rien vu, rien entendu. Le bas des sons, le vent des tons. Des milliers d'armées dansent au milieu des décombres. Le bas est couvert, le ciel est couvert. Sans la mort qui s'approche en douceur. Le bas des sons. Dictateur, révolution dans les cœurs. Révengeance, éventrée, car la France est trop vantée. Elle oublie ses enfants, mais on doit souffrir ensemble. Ce qui nous rassemble, c'est l'épée au Babylone plantée. La main de Dieu qui nous guide et chasse l'orage. Pour le dernier voyage, nous sommes les mondes d'un univers en marche. Puissants et fiers, tous des frères, des contrées jusqu'au cimetière. Alors s'enfuit la mort, s'approche en douceur. Le bas des